travers les intempéries, les mauvaises passes, les jours d'ennui. Pense à moi, si t'en as envie. Je ne sais plus où courent tous ces gens, mais c'est sans doute très important. Pour y passer autant de temps. Moi je me suis mis dans un jardin à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin. Tu vas croire que c'est encore loin, c'est juste au bout d'un chemin. Et là, tu reconnaîtras les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin. Près d'un piano désaccordé, en attendant vienne une idée. Tu sauras toujours où me trouver. Je sais bien que le monde est grand et qu'il faut regarder de l'avant. Mais pense à moi, si t'en as le temps. Moi je me suis mis dans un jardin à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin. Tu vas croire que c'est encore loin, mais c'est juste au bout d'un chemin. Et là, tu reconnaîtras les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin. Je te dis ça autant que j'en ris, puisque les mots changent pas la vie. Pense à moi, si t'as envie. Je sais à peu près ce qui m'attend. Et même après quoi courent les gens, je ne vois plus rien de très urgent. Moi je me suis mis dans un jardin à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin. Tu vas croire que c'est encore loin, mais c'est juste au bout d'un chemin. Et là, tu reconnaîtras les fleurs du bien. Pense à moi, si t'en as besoin.